m'as pas dit que t'avais parlé en traître. Tu m'as pas dit que dans mon dos ça faisait la fête. Tu m'as pas dit que tu pensais pas pareil. Parce qu'apparemment aux autres tu dis que tu me balayes. Tu m'as pas dit que tu voulais avoir ma vie. Que tu voulais te faire mon plan sans avoir mon avis. Tu m'as pas dit que les gens y parlaient sur moi. Tu m'as pas dit que t'allais sortir et j'en suis sûr de moi. Tu m'as pas dit que t'arrêtais tout, j'étais plus dans tous ces coups. Tu vas serrer quand ta mère sera mal, que tu seras sous des coups. Tu m'as pas dit hein, que pour un 17 la lèche. Que pour un 20 tu la niques en lui donnant de la neige. Tu m'as pas dit que tu l'as mis de fond en mode bien. Que lui en vrai c'est un homme qui se cache sous son fond de teint. Putain, si on y avait dit derrière le bloc y'avait les schmicks, il aurait pas couru en faisant tomber tout le shit. Tu m'as pas dit tout ça, tu m'as pas dit non. Tu m'as pas dit que tu voulais me faire la partie non. Moi ça passe non, et je t'avais dit. De par le PJ, moi je garde toujours le silence. Tu m'as pas dit tout ça, tu m'as pas dit non. Tu m'as pas dit que tu voulais me faire la patino. Moi ça passe sinon, et je t'avais dit que de par le PJ, moi je garde toujours le silence. Et en fait, tu m'as pas dit là que ce soir y'avait plein de villa. Tu lui as niqué son corps, mais pas la faute sur la tequila. File, tu me rappelles l'époque des filas. Tu m'as pas dit que c'était pour un rouge qui a des filades. Ça te cherche comme des fous, tu m'as pas dit que tu te fais des sous. Maintenant que tu me racontes, c'est sûr, j'ai compris pourquoi tu te saoules. Et ça m'a pas dit qu'il rendait fou les gens. Qu'il est la reine qui chante en racontant des légendes. Tu m'as pas dit que lui il faisait trop le costaud. Qu'il vole les ex des potos, qu'il va finir à l'hosto. Tu m'as pas dit que dedans tu t'es mis à fumer. Que personne t'a assumé, que t'as envie de les fumer. Tu m'as pas dit, je sais, tu te sentais pas. Bon, évite de te chauffer, moi j'aime pas trop les débats. Tu m'as pas dit que ta femme t'avait quitté. Tu fais que mentir, maintenant au moins j'ai quitté. Tu m'as pas dit tout ça, tu m'as pas dit non. Tu m'as pas dit que tu voulais me faire la partie non. Moi ça va sinon, et je t'avais dit que de par le PJ, moi je garde toujours le silence. Tu m'as pas dit tout ça, tu m'as pas dit non. Tu m'as pas dit que tu voulais me faire la partie non. Moi ça va sinon, et je t'avais dit que de par le PJ, moi je garde toujours le silence. Tu m'as pas dit que tu voulais te la faire. Je t'en boucane, c'est ma faute, si tu veux je te fais l'affaire. Tu m'as pas dit que ton pote rien qui m'arrête. Mais franco je le comprends, ça pisse le cul de sa daronne. Tu m'as pas dit que t'étais mon frère gros. Tu vas goûter le parterre gros, à force d'en faire trop. Tu m'as pas dit qu'elle était tarpin tassée. Ah parce qu'elle était carreau, celle qui vient de passer. Tu m'as pas dit que lui tu le chalumes pour un verre. Et je te revois deux jours après avec lui en train de boire un verre. Tu m'as pas dit que tu rendais folle ta mère. Qu'elle prenait des cachetons parce qu'elle sait que tu fumes ta mère. Tu m'as pas dit la prochaine fois tu me diras. Maintenant je sais tous les faux, je les attends dans le virage. Tu m'as pas dit tout ça, tu m'as pas dit non. Tu m'as pas dit que tu voulais me faire la partie non. Moi ça passe sinon, et je t'avais dit que de par le PJ, moi je garde toujours le silence. Tu m'as pas dit tout ça, tu m'as pas dit non. Tu m'as pas dit que tu voulais me faire la partie non. Moi ça passe sinon, et je t'avais dit que de par le PJ, moi je garde toujours le silence.